السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دخلنا الأسبوع الماضي في باب الغسل. La semaine passée, nous sommes entrés dans le chapitre du grand lavage, du lavage majeur. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة. الغسل, c'est le fait de faire passer de l'eau pure sur l'ensemble du corps, et cela d'une manière particulière. وحكم الغسل الوجوب إذا وجد سببه. Et le jugement du ghusl est l'obligation si la personne se retrouve dans une des situations qui le rend obligatoire. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. الله سبحانه وتعالى dans sourate al-Ma'ida verset 6 nous dit, la traduction est, si vous êtes pollués alors purifiez-vous. أي اغتسلوا, si vous êtes en état de janaba, lavez-vous. والأدلة على ذلك كثيرة. Et les preuves de cela sont connues et nombreuses. وموجبات الغسل ستة. Et l'auteur رحمه الله تعالى nous dit que les choses qui rendent obligatoire le grand lavage sont nombre de six. الموجب هو الذي يوجب غيره. Premièrement, خروج المني دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. Premièrement, l'éjaculation du sperme avec désir, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Deuxièmement, تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم يحصل الإنزال. Deuxièmement, si l'homme entre sa verge dans le vagin de la femme au point de ne plus voir l'endroit de la circoncision ou bien d'atteindre l'endroit de la circoncision, à ce moment-là les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, se retrouvent dans l'obligation d'effectuer al-ghusl, le grand lavage, et cela même s'il n'y a pas éjaculation, même s'ils ne finissent pas ce rapport. À partir du moment où les deux contactent, ou bien où les deux organes sexuels se touchent et que la partie de l'homme entre jusqu'à la circoncision dans la partie de la femme, les deux doivent faire al-ghusl, et cela même si il n'y a pas éjaculation. Troisièmement, islam kafirin wala murtaddan. Troisièmement, la conversion du mécréant à l'islam. Quatrièmement, al-maut. Quatrièmement, la mort. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de laver celui qui décède. Cinquièmement, inqita' dam al-hayd. Cinquièmement, l'arrêt de l'écoulement du sang, ou bien l'arrêt du sang des menstrues. L'arrêt du sang des menstrues. Lorsque le sang de la femme s'arrête, elle a l'obligation de faire le grand lavage. Et la différence qu'il y aura alors entre le ghusl de l'janab et le ghusl qui marque la fin des menstrues, c'est que la femme aura l'obligation dans le ghusl qui marque la fin des menstrues de défaire ses tresses ou ses nattes. Naam, de défaire ses nattes si elle en a. De défaire ses nattes si elle en a. Et il y a d'autres particularités qui viendront dans les cours inshallah ta'ala. Et ma'adha inqita'u dam an-nifas. On peut réunir, comme l'a fait l'auteur, en un seul point. Donc ça fera 5 mujibat. Donc le dernier, le cinquième, inqita'u dam al-hayd wa an-nifas. L'arrêt du sang de la femme, que ce soit le sang des menstrues, des règles, ou que ce soit le sang des lochis, ce qui sort après l'accouchement. On s'est arrêté ici. Oui. Une faïda. Al-janaba a été appelé ainsi. Wa asluhu min al-bu'd. Al-janaba, à la base, ce mot signifie l'éloignement. Naam, signifie l'éloignement. Celui qui est en état de janaba, c'est celui dont le mani est sorti. Dafqan biladha. Naam, li'anna al-mani bta'ada wa antaqal min makani. Pourquoi est-ce qu'on a appelé celui qui a une éjaculation avec désir junub? Pourquoi est-ce qu'il est en état de janaba? Car ce mot à la base veut dire l'éloignement, le fait de s'éloigner d'une chose. Et le liquide est sorti de son endroit de base et s'est éloigné. C'est pour ça qu'on a appelé al-janaba al-janaba, al-junub junuba. Naam. Ce soir nous allons voir, inshallah ta'ala, sifatul ghusl. La description du grand lavage. Sifatul ghusl. Walil ghusli sifatan. Il y a deux façons de faire le ghusl, le grand lavage. Il y a deux façons de faire le grand lavage. Sifatul kamal, premièrement, la façon complète et parfaite. وهي التي تجتمع على الواجب والمستحب بمراعاة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبداء والترتيب والانتهاء إلى غير ذلك. Donc la première façon de faire al-ghusl, c'est sifatul kamal, c'est la façon complète et parfaite. C'est celle qui englobe les actions obligatoires et recommandées. Les actions obligatoires et recommandées. C'est-à-dire, en plus de remplir son obligation, le serviteur ou la servante prend soin de faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par où a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par quoi a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit le même ordre, il finit par ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait exactement comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه صفه الكمال. وصفه الثانيه, la deuxième façon de faire le ghusl, صفه الاجزاء. هي التي تشتمل على ما يجب فحسب أو فقط. هي التي تشتمل على ما يجب فقط. صفة الإجزاء, c'est la façon de faire par laquelle tu auras rempli ton obligation, tu seras déchargé de ton obligation. نعم. Tu auras fait ce qui t'est obligatoire. Sans ajouter à cela. Tu auras fait que ce qui était obligatoire sans ajouter à cela. Commençons par la première manière qui est sifatul kamal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna à sa communauté, il voulait qu'ils soient les meilleurs. Naam. Il les invitait toujours au meilleur, sans omettre de leur enseigner le minimum par lequel ils se déchargent de leur obligation et sortent de la menace. Naam. Donc c'est important de connaître les deux. Le premier, pour pouvoir espérer être le meilleur, pour pouvoir espérer avoir la meilleure récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir espérer copier parfaitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais que ton action, ou pour ton action, tu te vois récompensé en fonction de ta sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu es sincère et plus ton action est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu te vois récompensé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sifatul kamal. On va citer les actions et à la fin, les preuves de cela. Awwalan an tanwi. Premièrement, le fait de mettre l'intention. Wa niyyatu mahalluha al-qalb. Wa at-talaffuzu biha bid'ah. Premièrement, l'intention. Et la place de l'intention est dans le cœur. Et la prononcer est une innovation. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. La preuve de cela est la parole rapportée par Omar عند البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: les actions ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Et c'est le premier hadith dans quel livre? Al-Arba'in al-Nawawiyya. Dans un livre qui est encore meilleur que celui-ci. Sahih al-Bukhari. Na'am. Et nombreux sont les savants qui ont commencé leur livre par le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith dans les intentions. Na'am. Donc premièrement, al-Niyya, l'intention. Donc tu fais cette action à la recherche de l'agrément d'Allah, en signe de soumission. Na'am. Tu fais cette action sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de son agrément. Et ce lavage que tu fais, na'am, c'est une adoration. C'est-à-dire que tu ne te laves pas pour te rafraîchir par exemple. Ce lavage, ça aurait pu être pour te nettoyer, pour te rafraîchir. Non, l'intention que tu mets toi, c'est que c'est le rusl. L'intention que tu mets toi, c'est que c'est le rusl. D'accord? Tu distingues avec cette intention, tu marques la distinction avec cette intention, d'un lavage par lequel tu te rapproches d'Allah et d'un lavage qui fait partie des habitudes. L'autre intention, c'est niyatul ikhlas. C'est l'intention par laquelle tu vas distinguer celui pour qui tu agis. Wadah? Tayyib. Ya niyatul amal wa niyatul ma'mul. Niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Voici le premier point. Thaniyan, le deuxième point. Yusammi. Le deuxième point, il dit bismillah. واختلف العلماء في الحكم. Et les savants ont divergé quant au jugement de la tasmiya. هل هي مستحبة؟ هل هي سنة؟ نعم أم واجبة؟ Est-ce que c'est une sunna ou c'est une obligation؟ ورجح ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن تسمية سنة. Ibn Athaymin رحمه الله تعالى nous dit la vie prépondérant et que c'est recommandé. مستحب. C'est mustahab. Donc il met l'intention. Il dit bismillah. Thalithan, an yaghsila yadayhi thalatha. Troisièmement, il lave ses mains trois fois. Il lave ses mains trois fois. Pas deux fois, ni quatre fois, mais trois fois. Car les textes sont venus avec ce chiffre. Et les savants ont intitulé des chapitres avec ce chiffre. Na'am. Yarsilu yadayhi thalathan. Il lave ses mains trois fois. Rabi'an. Yarsilu farjah. Wa ma asabahu min adha. Quatrièmement, il lave son sexe et ceux et les endroits où il a été touché de son liquide. Donc il lave son sexe et ceux et les endroits où il a été touché. Khamisan, cinquièmement, yatawadda wudu'ahu lis-salah. Il fait al-wudu comme s'il allait faire la prière. Il fait al-wudu comme s'il allait faire la prière. Le wudu que nous connaissons, que nous avons étudié. Wallah alhamd. Sadisan, et pour al-wudu, on verra qu'il y a deux manières de faire. La première manière, faire les pieds, comme tu le fais habituellement dans le wudu. La deuxième manière, ne pas faire les pieds à ce moment-là, mais laisser à la fin les pieds. C'est clair? Soit tu fais les pieds normalement dans le wudu, soit tu fais le wudu en laissant les pieds, tu ne laves pas tes pieds. Et tu les laveras à la fin. Tu les laveras à la fin. Ces deux façons étaient rapportées. Naam. Sadisan, sixièmement, ya'khudhu ma'an wa yukhallilu sha'ra ra'sihi. Ya'khudhu ma'an wa yukhallilu sha'ra ra'sihi bi asabi'ihi fi wusuli sha'rihi. Donc, il prend de l'eau, ya'khudhu ma'an fa yukhallilu sha'ra ra'si. Il prend de l'eau, il met cela sur sa tête, sur ses cheveux, en faisant entrer mudkhilan asabi'ahu fi usuli sha'ri, en faisant entrer ses doigts à la base de ses cheveux. C'est compris? Il prend de l'eau ainsi, il met de l'eau sur sa tête comme cela et il fait comme ça. D'accord? Avec ses doigts, il se frotte la base des cheveux. حتى يروي بشرته jusqu'à ماذا être sûr qu'il a touché l'ensemble. سابعا سجما يحثي على رأسه ثلاث حثيات. Il verse sur sa tête trois prises d'eau ou trois poignées d'eau. Il prend de l'eau une fois, deux fois et trois fois. Naam. Thaminan, huitièmement, yufiru al-ma' ala sa'iri jasadih. Huitièmement, il met ou il fait couler l'eau sur l'ensemble de son corps. Il fait couler l'eau sur l'ensemble de son corps. Donc jusqu'à présent, il avait fait ses parties intimes, ce qui a pu être touché par le liquide. Naam. Il s'était lavé les mains. Avant ça, il avait mis la niya et dit bismillah. Et là, il avait fait le wudu, il avait sa tête bien en détail. Après tout ça, il se jette trois fois de l'eau sur la tête. Après ça, il fait couler l'eau sur l'ensemble de son corps. Donc pour ces huit choses, l'auteur a cité Ad-Dalil. Puis il continue le neuvième, le dixième. Il nous dit Wa dalilu ala hadha at-tartib bi hadhihi as-sifa hadith Aisha radhiyallahu anha. Et la preuve de tout cela est la preuve de cet ordre particulier fait de cette manière particulière et le hadith de Aisha radiallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam irtasala min al-janab fabada'a faghasala kaffayhi thalathan thumma faragha biyaminihi wa shimalihi faghasala farja thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah ثم أخذ ماء وأدخل أصابعه في أصول شعره. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حثن على رأسه. استبرأ أي أوصل البلل إلى الجميع. حثن على رأسه ثلاث حثنات ثم أفاض على سائر جسده. متفق عليه. La preuve de cela est le hadith Aisha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le lavage de l'janaba. Il a commencé par se laver les deux mains trois fois. Puis il a mis de l'eau. Donc il a pris de l'eau avec sa main droite et l'a mis dans sa main gauche pour se laver les parties intimes. Puis il a fait le wudu. Donc tu ne laves pas tes parties intimes avec la main droite. Non. Même si tu prends l'eau avec ta main droite, tu verseras cette eau pour te nettoyer avec ta main gauche. Non. Pour te nettoyer avec ta main gauche, que ce soit devant ou derrière. Que ce soit devant ou derrière. ثم توضا وضوءه للصلاه ثم par la suite il a fait ses ablutions comme il les fait pour la prière. ثم اخذ ماء, puis il a pris de l'eau. وادخل اصابعه في اصول شعره, puis il a pris de l'eau et il a fait entrer ses doigts à la base de ses cheveux. Donc il a pris de l'eau, se les mis sur la tête et a utilisé ses doigts pour faire pour que l'eau puisse atteindre l'ensemble de sa tête et la base de ses cheveux. حتى إذا رأى أن قد استبرأ, jusqu'à être sûr d'avoir mouillé l'entièreté de sa tête, حثن على رأسي ثلاث حثنات. حثنات. Après cela, il prenait trois fois de l'eau pour se le verser sur la tête. نعم. Il prenait trois fois de l'eau pour se le verser sur la tête. ثم أفاض على سائر جسدي. Puis il versait de l'eau sur l'ensemble de son corps. Puis il versait de l'eau sur l'ensemble de son corps. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ça fait combien de choses? 8. Donc, tasi'an, neuvièmement, at-tayamun. Commencez par la droite. Commencez par la droite. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأن كله. عائشة رضي الله عنها nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite. Aimait commencer par la droite lorsqu'il se peignait les cheveux, lorsqu'il chaussait ses chaussons et lorsqu'il se purifiait. Et dans toutes ses affaires. Et ce hadith a été cité plusieurs fois. Ashiran, dixièmement, al-dalk, wa huwa sunnah khilafan lil-malikiyya. Al-dalk, c'est le fait de passer ta main lorsque tu mets l'eau. Naam. Si tu prends de l'eau et que tu le verses ainsi, tu n'auras pas fait dalk. Mais si tu verses de l'eau et tu fais comme ça, tu auras fait dalk. Donc c'est de passer sa main ainsi, de frotter, de passer sa main. Donc tu mets de l'eau et tu fais comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle dalk. Et les savants ont divergé sur l'obligation de cette action. Et le cheikh nous dit que c'est une sunna. C'est une sunna, même dans al-wudu. Même dans al-wudu. Donc on comprend de cela que celui qui rentre dans une baignoire, par exemple, dans un bain, na'am, celui qui rentre dans un bain sans s'être frotté, il peut ôter son état de janab, selon les conditions qu'on verra. Donc dixièmement, ad-dalk. Ce qui a été décrit ici, c'est sifatul kamal. c'est la manière parfaite et complète de faire al-ghusl. C'est la manière complète et parfaite de faire al-ghusl. C'est exactement comme le faisait le prophète alayhi salat wa salam. Après avoir cité sifatul kamal, citons maintenant sifatul ijza. Donc le minimum par lequel tu te décharges de ton obligation. Quand on dit que telle chose est obligatoire, puis que un tel l'a mise en pratique, et qu'on dit cette expression yujzi'uhu dhalik, al-ijza, ça veut dire quoi? C'est pas comme al-jaza, la récompense. Hein? Al-ijza c'est une chose, al-jaza c'est une autre chose. Al-jaza ça veut dire la récompense, la rétribution. Plus précisément, la rétribution. D'accord? Alors que l'ijza, c'est-à-dire qu'il a mis en pratique son action au point où sa personne n'a plus l'obligation de la refaire. Il s'est déchargé de son obligation. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est déchargé de son obligation. Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir toutes les récompenses? Pas forcément. Puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le rétribue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le récompense ou non, selon l'action qu'il aura faite, selon aussi sa niya, son intention et le contenu de son cœur au moment d'avoir fait cette action. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la personne fait ce qui lui est obligatoire. Elle n'ajoute pas. Elle fait ce qui lui est obligatoire et elle n'ajoute pas à cela. Premièrement, c'est quoi? Dans toutes les adorations. Un niya, une intention. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Hadith Omar. Ma huwa hadith Omar? Innama al-amalu bin niyat. Man akhraja? Al-Bukhari wa Muslim. Jazakallahu khayr. Donc, premièrement, un niya. Premièrement, un niya, l'intention. Deuxièmement, al-madmada wa al-istinshaq. Al-madmada wa al-istinshaq. Donc deuxièmement, le fait de se rincer la bouche et de faire entrer l'eau dans son nez. Le fait de se rincer la bouche et de faire entrer l'eau dans ses narines. قال الله وإن كنتم جنبا فطهروا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous, c'est-à-dire lavez-vous. وهذا يشمل البدن كله, et cela comprend l'entièreté du corps. Et fait partie de l'entièreté du corps quelle chose? La bouche et le nez. La bouche et le nez. Donc nous avons l'obligation de purifier, de la purifier, de les purifier. Aussi, Amar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil wudu bihima. Naam, aussi dans le wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné al-madmada et al-istinshaq. Car ça entre dans ayat al-wudu, farasilu wujuhakum, lavez vos visages comme on l'avait vu. Fa'idha kana dakhilayn fi ghusl al-wajh, fayajib tathhiruhuma fi al-ghusl, fi al-ghusl, hatta qala al-shaykh min babi awla. Donc si nous avons l'obligation de laver ces deux endroits, ces deux choses, dans Al-Wudu, à plus forte raison dans le Ghusl. Pourquoi cela? Lianna taharata fil Ghusl akad. Parce que la purification à faire par le Ghusl est plus accentuée, plus forte que celle demandée par Al-Wudu. Il y a également un hadith dans le recueil de l'imam Bukhari et le recueil de l'imam Muslim de Maïmouna. Qui est Maïmouna? ذكر ابن عباس حديثا عن ميمونة رضي الله عنهم كي ميمونة لي فام ساف كي ميمونة اي فو نسافيو با كي ميمونة l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est-elle pour Ibn Abbas qui est Maïmouna pour Ibn Abbas quel est le lien entre Maïmouna et Ibn Abbas Ibn Abbas nous dit j'ai dormi chez Maïmouna Ibn Abbas nous dit j'ai dormi chez Maïmouna. Endaman. Non. C'est sa tante. Khalatou. C'est sa tante maternelle. Et qui était Maïmouna pour Khalid ibn al-Walid? Endaman. Ash? لا أسمعك هذا ذكرناه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقتها بماذا خليل ابن الوليد رضي الله عنه قلنا إن علاقتها بابن عباس أنها خالته فما علاقتها ماذا مع خالد ابن الوليد عند من هي خالته أيضا c'est aussi sa tante طيب في الصحيحين قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قالت ميمونة وهي تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت ثم تمضمض واستنشق ميمونة رضي الله عنها nous a décrit le غسل du prophète صلى الله عليه وسلم comme عائشة nous l'a décrit mais elle a cité un moment puis il s'est lavé la bouche et a mis de l'eau dans ses narines troisièmement تعميم البدن بالماء مرة واحدة. Troisièmement, le fait de se verser de l'eau sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Il faut que l'eau touche tout ton corps de la tête aux pieds, une fois. Et cela comprend Mada, la tête. Donc pour la personne qui a des cheveux, ça ne suffit pas de se mouiller les cheveux. Il faut faire attendre l'eau avec ses doigts, la base de ses cheveux. Contrairement à quelle action? Al-Wudu. Quand tu fais Al-Wudu, quand tu fais le mas, est-ce que tu as l'obligation de faire attendre l'eau, la base de tes cheveux? أو يكفيك أن تمسح على شعرك. C'est suffisant de passer les mains mouillées sur tes cheveux. Tu n'as pas l'obligation de faire attendre l'eau la base de tes cheveux. قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. Et si vous êtes en état de pollution, alors purifiez-vous, c'est-à-dire lavez-vous. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى n'a pas cité autre chose que cela. نعم, le fait de se laver. ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق أنه قد تطهر. الله dans le Coran nous a ordonné فطهروا. Purifiez-vous, lavez-vous. Et celui qui a pris de l'eau et l'a passé sur l'ensemble de son corps, une seule fois, on peut dire de lui qu'il s'est lavé. Sahih? On peut dire de lui qu'il s'est lavé. il aura donc fait le ghusl, c'est le minimum par lequel il remplit son obligation. Voici le minimum par lequel il aura rempli son obligation. Na'am. Salam wa rahmatullah. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu fi al-hadith al-tawil wa fi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lirajul alladhi kana junuban wa lam yusalli ma'a al-qawm khudh hadha fafrighhu 'alayka muttafaqun 'alayh. Dans un hadith de Imran ibn Husayn, un homme n'a pas fait la prière car il est en état de janabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de l'eau, il lui a dit tiens et verse-le sur toi. Il lui a donné de l'eau, il lui a dit tiens et verse-le sur toi. Naam. Pourquoi est-ce qu'Ibn ce hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim? Pourquoi est-ce qu'Ibn Athim a cité ce hadith ici? Pour montrer que c'est le minimum obligatoire. Pour montrer que c'est le minimum obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit fait de telle manière ou de telle façon. Tant de fois ou... Non. Donc si cela avait été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait détaillé. Mais il lui a simplement dit, verse cette eau sur toi. Verse cette eau sur toi. Donc, si le ghusl qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les détails qu'on a cités dans Al-Ghusl al-Kamil, avait été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait détaillé à cet homme. L'aurait détaillé à cet homme. Car on ne repousse pas l'explication nécessaire par laquelle la personne remplit son obligation lorsqu'on en a besoin. Lorsqu'on en a besoin. Ainsi, les savants ont pu dire qu'il y a deux façons de faire le ghusl. Ainsi, les savants ont pu dire qu'il y a deux façons de faire le ghusl. Car là-bas, c'est l'obligation de faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais du fait qu'il y a des qara'i, des indices et des preuves qui ont démontré que ça n'était pas obligatoire, les savants nous ont enseigné cela. تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز كذا قال أهل العلم. طيب غسل المرأة هل يختلف عن غسل الرجل؟ Le غسل de la femme, est-ce qu'il est différent du غسل de l'homme? أم لا ou non? Endaman. Il est pareil ou pas? Endaman. Souman, t'as mutazawij? T'es marié? Tfadbal. Moi, je parle du rosl de Djenab, seulement. Est-ce qu'il est pareil que celui de l'homme ou non? Il est pareil? Taïb. Lorsqu'on a un texte ou un ordre, lorsqu'on a un ordre fi sharia, et qu'on s'adresse par exemple aux hommes, en ce qui concerne la femme, est-ce qu'elle est comprise dans cet ordre ou pas? C'est quoi la base? Naam? La base c'est que ça englobe les deux. S'adapte. La base c'est que ça englobe les deux. An-nisa shaqa'iqur rijal. Femmes sont les consœurs des hommes. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla donne un ordre, ça concerne l'ensemble des mukallafis, l'ensemble des gens, des personnes responsables, soit des hommes ou des femmes. Pour faire sortir la femme d'un jugement, il faut une preuve. Pour faire sortir la femme d'un jugement, il faut une preuve. Par exemple, l'homme en prière a l'obligation de store quoi? Qu'est-ce qu'il doit cacher l'homme? En prière. La partie comprise entre le nombril et le genou. Vous êtes d'accord avec lui? Ou non? Vous allez le réfuter? Oui, c'est pas bien de réfuter. C'est la dureté, c'est pas bien. Hein? نرد عليه ولا لا؟ Non. On laisse une erreur se propager dans la mosquée et chacun rentre chez lui avec l'erreur. Et chacun transmet cette erreur à la mère, au père, aux sœurs, aux frères. Et ensuite, tous ces gens-là vont prendre l'erreur et la propager. Et ensuite, le haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala yadhi'. Hakadha taqulun. C'est ainsi qu'on doit faire? Alors, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقي شيء. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit à l'homme de prier alors qu'il n'a rien sur ses épaules. واضح الحديث. Donc celui qui couvre du nombril au genou, est-ce qu'il aura couvert ses épaules? Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de ne pas prier avec rien sur ses épaules. Sachez. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à entrer dans Kitab al-Salah, na'am, on citera les nombreuses erreurs qu'on voit avec gêne lorsque les gens prient. Certaines personnes se prosternent, tu dois baisser ton regard comme tu le baisses devant une femme. Na'am. Subhanallah. Et cette salat-là n'est pas sahiha. Hein? Cette salat-là n'est pas sahiha. Celui qui prie avec un pantalon ou autre chose, et ça, yani ça descend. Naam, ça descend. Tayyib. Khuz qamisan ou izara. Naam, tastur bi awratak. Prends un izar, prends un qamis, lorsque tu veux faire salat, avec lequel tu vas cacher ta awra. Donc la femme fait le ghusl comme l'homme fait le ghusl. La femme fait le ghusl comme l'homme fait le ghusl. Si elle a des nattes, elle n'a pas l'obligation de défaire ses nattes. Comme l'ont dit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un athar dans lequel un sahabi la'allahu Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr disait que les femmes devaient défaire leurs nattes. Le fait que le hadith ne lui avait pas été transmis, ne connaissait pas le hadith probablement. Lorsque cette information est arrivée aux oreilles de Maymouna radiallahu anha ou une des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit Ajab, comme est étonnante sa parole. Pourquoi est-ce qu'il ne leur en donne pas pendant qu'il liait de se couper les cheveux? Naam. Je me lavais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il me disait de faire comme ceci et comme cela. Wadah. Tayyib. Donc c'est un point à retenir. La femme n'a pas l'obligation de défaire ses nattes. Dhafira. Mais elle devra le faire pour quel lavage? غسل انتهاء الحيض والنفاس. Pour le lavage suite à l'arrêt de ses menstrues. De ses menstrues. طيب. Pour les pieds, une remarque. Il y a deux façons de faire. La première façon, au moment de faire le wudu, tu fais les pieds. La deuxième façon, au moment de faire le wudu, tu délaisses le lavage des pieds. Tu délaisses le lavage des pieds. Et lorsque tu as tout fini, à la fin seulement, tu laves tes pieds. À la fin seulement, tu laves tes pieds. Celui qui a lavé ses pieds au moment de le wudu, il ne les relave pas à la fin. Et celui qui ne les a pas lavés au moment de le wudu, il les lave à la fin. Et les deux façons ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que si la personne se lave dans un endroit où il y a au sol des saletés ou certaines choses, ben le mieux c'est qu'il laisse ses pieds à la fin. Voilà. Et dans le cas où il n'y a rien de spécial, il fait ses pieds avec al-wudu. Il fait ses pieds avec al-wudu. D'autres parmi les savants ont dit Par moment, il faisait cela et par moment, il faisait ceci. Par moment, il faisait cela et par moment, il faisait ceci. Et ceci est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari عن ميمونة رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc dans le ghusl a fait le wudu comme pour la prière excepté ses pieds, et il n'a pas lavé ses pieds à ce moment. وغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما رواه البخاري. Donc dans le hadith de Maïmouna qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari, elle nous dit qu'il a lavé ses pieds à la fin. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين. الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى dit, et la plupart des savants ont dit que c'était recommandé de laver ses pieds à la fin. C'est-à-dire de ne pas le faire pendant le wudu, mais de les laisser à la fin. أما مالك رحمه الله تعالى قال إن كان المكان نظيفا فلا يستحب ذلك. L'imam Malik رحمه الله تعالى lui a dit que si l'endroit est propre, alors c'est pas recommandé de faire les pieds à la fin. On les fait avec le wudu. Mais s'il y a quelque chose, on laisse les pieds à la fin. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, après avoir cité ce hadith, a dit « وَهَذَا نَصٌ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْغُسْلِ » L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit « Voici une preuve qui nous montre la permission de repousser le lavage des pieds dans al-Ghusl » c'est-à-dire dans le hadith de Maïmoun, alors que dans le hadith de Aïcha, on n'avait pas tiré cela. Et on voit qu'il faisait les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les deux. Par moment il lavait ses pieds au moment de l'oudou et par moment il faisait cela à la fin. وَلَا يَتَوَضَّعُ الْمَرْ بَعْدَ الْغُسْلِ. Est-ce qu'après le ghusl, celui qui a fait le ghusl, est-ce qu'il lui convient de faire le wudu? Non. Est-ce qu'il lui convient de faire le wudu? Non. قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا أرى يحدث وضوءا بعد الغسل. عائشة رضي الله عنها ندي comme ça a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah et d'autres. Le prophète صلى الله عليه وسلم se lavait puis il faisait deux rak'a et il priait صلاة الغداء, probablement que c'est la prière du Dhuhr, et je ne le voyais pas refaire al-wudu. Et je ne le voyais pas refaire al-wudu. Donc celui qui a fait le ghusl. Na'am, celui qui a fait le ghusl. Al-wudu qui est dans le ghusl. C'est quoi son jugement, on a dit? Le wudu pendant le ghusl. Avant de faire le ghusl, le fait de faire al-wudu. Quel est le jugement du wudu à ce moment-là? Mustahab. C'est recommandé. D'accord. Celui qui n'a pas fait, celui qui n'a pas fait lors du ghusl pour le janab, al-wudu, il a fait le ghusl mais il n'a pas fait le wudu, est-ce qu'il peut prier ou bien est-ce qu'il a l'obligation de refaire le wudu au moment où il voudra prier? Il peut prier ainsi. Il peut prier ainsi. Na'am. Il peut prier ainsi. Il aura fait le madmada wa l'istinshaq. Il aura fait le madmada wa l'istinshaq. Na'am. En ce qui concerne la quantité d'eau à utiliser, dans ce chapitre, les savants conseillent et attirent l'attention sur l'israf, le gaspillage de l'eau. Le gaspillage. Une chose qui touche la plupart des gens même ceux qui suivent la sunna. Illa man rahim Allah. Na'am. Qila li Abdillah ibn Umar. Avant ça, pour la mas'ala d'avant. Et ça rentre aussi dans celle-ci. Ana ma ja'a Abdullah ibn Umar, inni atawaddau ba'da al-ghusl. Moi, je fais le wudu même après avoir fait al-ghusl. Abdullah ibn Umar lui a répondu, ya ibn akhi, laqad ta'ammaqt. Il lui a dit au fils de mon oncle, tu vas trop en profondeur. C'est-à-dire que tu fais des choses qui ne te sont pas demandées. Tu fais des choses qui ne te sont pas demandées. Et avant de parler du gaspillage de l'eau, est-ce que la personne peut s'essuyer après s'être lavée, que ce soit le wudu ou que ce soit al-rusl? Il n'y a pas de mal, mais en apparence, ce n'est pas la sunna. Il n'y a pas de mal, mais en apparence, ce n'est pas la sunna. Parce que Maïmouna radiallahu anha nous dit, فَنَوَلْتُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِي كَذَا وَلَمْ يُرِدَهَا. Maïmouna nous dit qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit lavé, elle est venue avec un bout de tissu pour qu'il s'essuie, et il lui a fait un geste de la main pour lui dire qu'il ne souhaitait pas s'essuyer, qu'il n'en voulait pas. Rawah al-Bukhari. وَعِنْدَ مُسْلِمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. Et dans le cas de ma muslim, c'est une version du hadith, et je ne me trompe pas, je lui ai amené une serviette, mais il ne l'a pas voulu. Mais il ne l'a pas voulu. Pour ce qui est du fait de se défaire les tresses ou les nattes pour les femmes, pour Rusul Jinab, comme ça a été cité, ça n'est pas une obligation. Mais est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle peut le faire? Amma ta'abboudan, fala. Si c'est pour se rapprocher d'Allah en signe d'adoration, c'est pas une adoration. Naam, ça n'est pas une adoration. Wa in fa'alat, jaz. Et si elle le fait, ça lui est permis. Si elle le fait, ça lui est permis. Ay tanzifan, la ta'abboudan. Kada qala ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et si elle le fait, ça lui est permis. C'est-à-dire, si elle veut mieux se nettoyer les cheveux ou autre, ça lui est permis. Mais pas à titre d'adoration. Naam, c'est ainsi qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Pour ce qui est de la quantité d'eau à utiliser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait peu d'eau. Pour el-wudu, il utilisait el-mud. Pour Al-Wudu, il utilisait d'abord pour les mesures Al-Mud, c'est ça. Al-Mud, c'est le fait de yani ce qui remplit les mains de l'homme de taille moyenne, de corpulence moyenne. Naam, ce qui remplit d'eau. Ce qui remplit les mains d'eau d'un homme de corpulence moyenne. As-sa' c'est 4 amdad. Naam. Comment? C'est l'équivalent de 750 millilitres. Qu'est-ce qui est l'équivalent de 750 millilitres? Un moud. Jazakallah khair. Le frère nous dit que 3 litres pour le rousl et 750 millilitres pour الوضوء. Un sa' c'est 4 amdad. Cette mesure qu'on appelle as-sa', c'est 4 fois ce qui remplit les deux mains jointes d'un homme de corpulence moyenne. Naam. Pour le rousl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait 4 fois cela. D'autres disent plus, d'autres disent moins. Quoi qu'il en soit, ce qui nous importe, c'est qu'il utilisait très peu d'eau. Naam. Et pour le wudu, bien évidemment, encore moins. Tout ça pour dire quoi? Que nous, on utilise trop d'eau. Que ce soit pour le wudu ou que ce soit pour le rousl. Naam. C'est pour ça que le mieux est de mettre de l'eau dans un récipient. C'est pour ça que le mieux est de mettre de l'eau dans un récipient. Et on ne compte pas l'eau qui est gaspillée lorsque tu attends l'eau chaude et lorsque tu fais tes réglages, ainsi de suite. Na'am. Wallah musta'an. Un homme, des hommes se trouvaient auprès de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Et il l'a questionné sur Al-Rusul. Il y avait des gens et ils parlaient avec Jabir ibn Abdullah. Ensuite, un homme a questionné sur Al-Rusul. Jabir ibn Abdullah lui a dit d'utiliser une mesure d'eau. Cet homme a répondu, « Ma yakfini had. » Il lui a dit, « Ça ne me suffit pas. » Naam. Il lui a dit, « Ça ne me suffit pas. » Taïb. Jabir ibn Abdullah lui a dit, « Kana yakfi. Man huwa awfara minka sha'ran wa khayran mink. » Jabir ibn Abdullah lui a dit, « Cette mesure suffisait à celui qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. » Non. De cela, les savants ont tiré Al-Inka bi'unf walou bi'unf ala man yumari fi sunna. De ce hadith, les savants ont tiré la permission de réprimander ou de durcir le ton avec celui qui discute sur la sunna, avec l'ignorant al-jahil alladhi yumari fi sunna. L'ignorant qui discute sur la sunna. C'est-à-dire, tu lui dis, fais comme cela. Il est ignorant. Il te dit, non, moi je veux faire comme cela. Ou bien, non, cela n'est pas convenable. Ou bien, et ainsi de suite. Comme on entend le jahala. Comme on entend les ignorants de nos jours. Non, il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça. Regardez comment est-ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, ça suffisait à celui qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi, Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous montre tariqatul sahaba. C'est d'utiliser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour orienter les gens ou pour corriger les gens. Non. Donc Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu lui a dit, yakfi ka sa'a. Un sa'a, ça te suffit. L'homme a répondu, la yakfi. Un sa'a, c'est-à-dire quatre. Mada, quatre fois les mains jointes d'eau pour un homme de corpulence moyenne. Il lui a dit, ça ne me suffit pas. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. رواه البخاري. Cette mesure suffisait à celui qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. Naam. Donc on préserve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses étonnantes qu'on entend, c'est que lorsqu'une personne fait une faute et qu'elle se fait corriger, qu'elle se fait conseiller, qu'elle se fait réfuter, naam, on dit oui mais Mada ça va le toucher, ou bien fallait pas lui dire, ou bien il va penser cela, ou bien et ce genre de paroles. C'est-à-dire qu'on se soucie de l'ihsas de du ressenti qu'aura cette personne. Wahada Hassan, et ça c'est un bien. Mais certains, au dépend de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au dépend du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa huna ya'ti al-khalal. Et c'est là qu'il y a une faute. Et c'est là qu'il y a une faute. Na'am. Celui qui fait une faute, la faute doit être corrigée. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, la faute doit être corrigée. Parce que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on parle du droit de la créature. Ensuite, on parle du droit de la créature. Wa min ad-darurat. Wa min ad-daruyat al-khams. Na'am, hifdud-din wa huwa al-awwal. Et la première chose à préserver, c'est ad-din, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah alladhi hafidha al-Qur'an. Na'am. Donc on fait attention au gaspillage à celui qui pour ceux qui font al-rusl. Na'am. Aisha radiallahu anha nous dit, kuntu ana ou kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid. Aisha nous dit, moi et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous nous lavions d'un seul récipient. À deux, ils utilisaient un seul récipient. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق قال سفيان رحمه الله تعالى الفرق ثلاثة أوضاع رواه مسلم. Donc Aïcha nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait peu d'eau. Na'am. Et Allah nous dit dans le Coran, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Ceux qui gaspillent ont une ressemblance avec les shayatines. Ceux qui gaspillent ont une ressemblance avec les shayatines. Et ceux qui enseignent aux autres al-wudu, il convient d'attirer leur attention sur cela. Pour beaucoup d'entre nous, on laisse couler par exemple le robinet. Ah bah voilà, ça c'est une faute. Na'am, ça c'est une faute. Achète un récipient, mets de l'eau dans le récipient. Na'am, et fais le wudu du récipient, c'est meilleur. Sauf si tu sais utiliser le robinet sans faire de gaspillage. Et tu enseignes cela à l'enfant, tu enseignes cela aux parents, tu enseignes cela aux épouses, tu enseignes cela à tout le monde. Na'am, car tous, yani nous tous sommes sujets à la faute. والله المستعان مسألة ما الذي يحرم على من عليه غسل. Quelles sont les choses proscrites pour la personne qui est en état de janaba? Quelles sont les choses que tu n'as pas le droit de faire lorsque tu es en état de janaba? Premièrement, as-salah. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أو صلاة بغير طهور أو طهور رواه مسلم. Na'am, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous sans purification. Et celui qui est junub n'est pas en état de purification. Et cela englobe al-fard wa al-nafl. Cela englobe la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Celui qui est en état de janaba n'a pas le droit de faire salat. Sauf s'il est dans un cas où il n'y a pas d'eau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Et-tayammum, mais c'est le prochain chapitre, inshallah ta'ala. Deuxièmement, at-tawaf. Il n'a pas le droit de faire at-tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Na'am, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-tawaf bil bayt salah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tawaf c'est une prière. Si ce n'est qu'Allah a permis de parler. Sahih al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Et lorsque Aïcha radiallahu anha a été en état de menstru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « If'ali ma yaf'alu l'hajj, ghayru an la tatoufi bil bayt, hatta tatouri. » Aïcha, lorsqu'elle est arrivée pour faire le hajj, elle a été en état de menstru. Elle a été triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit bien « Fais tout ce que fait le hajj, le pèlerin, mais ne fais pas de tawaf. Mais ne fais pas le tawaf tant que tu ne seras pas purifié. » Rawah al-Bukhari wa muslim. Troisièmement, mas'ul mus'haf bila ha'il. Toucher le Coran sans qu'il y ait une chose entre ta main et le mus'haf. Quatrièmement, qira'atul Coran. Sur certains points, il y a des divergences. Qira'atul Coran. An Ali, radiallahu anhu, kana sallallahu alayhi wa sallam, la yamna'u min qira'atil Coran shay'un illa janaba. Rawa Ahmad wa Abu Daoud wa hassanahu ibn Hajar. Wa dha'afahu. النووي الألباني رحمهم الله. La lecture du Coran. Ali ibn Abi Talib nous dit, rien n'empêchait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran, sauf lorsqu'il est en état de janaba. Les savants ont divergé sur ce hadith. L'imam Ahmed, Abu Daoud et d'autres ont dit qu'il était bon. L'imam ibn Hajar a dit qu'il était bon. Mais l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam al-Albani rahimahullah, ont dit qu'il était faible. والله أعلم أنا مقلد في هذا والمكث في المسجد. Cinquièmement, le fait de rester au masjid. Cinquièmement, le fait de rester au masjid. إلا عابر سبيل, sauf celui qui est de passage, للحاجة, et en cas de besoin. En cas de besoin. قال الله ولا جنوبا إلا عابر سبيل. Car Allah سبحانه وتعالى nous dit sauf celui qui est en état, ou bien plutôt non plus lorsque vous êtes en état de pollution majeure, sauf pour celui qui est de passage. Dans surat An-Nisa, alladhina amanu la taqrabu as-salah. Une remarque, celui qui a fait le wudu a le droit de rester à la mosquée. Car certains parmi les sahaba l'ont fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le wudu yukhaffif min al-janaba. Le wudu, ça allège al-janaba. Et on continuera, inshallah ta'ala, cela, vendredi après, al-Asr. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.